Chapitre 5e. L'entrée d'Erwan, Yann, qui réparait de vieux filets, leva la tête et son regard presque haineux se posa sur les yeux tristes et doux de l'arrivant qui le cherchait. Dans ce choc de leurs prunelles, les deux frères eussent voulu trouver l'un moins de mansuétude et l'autre moins d'inimitié. Yann frémissait devant cette magnanimité qui s'imposait à lui et semblait le convaincre de l'injustice de son ressentiment. Et Erwan s'affligeait de cet abîme, semé comme autant d'écueils, de griefs mal fondés, que son frère avait creusé entre eux et qu'il lui faudrait combler avec les lambeaux de son pauvre cœur amoureux. Un lourd silence suivit l'arrivée d'Erwan. Pierre Guillot, à demi assoupi, la pipe éteinte entre les lèvres, se reposait sur le vieux banc près de l'âtre, pendant que Catherine, en ménagère affairée, trottinait d'un objet à l'autre. Pour le moment, elle rangeait méthodiquement dans 4 écuelles de terre rouge les tranches de pain taillé fines et longues pour la soupe du lendemain. À la dérobée, elle examinait ses garçons dont le mutisme et l'air soucieux depuis quelques jours ne lui échappaient pas. Avec son intuition de mère, elle devinait une partie de la vérité et elle s'alarmait de cette cisanie qui, pour la première fois, régnait entre eux. Un point sombre lui apparaissait dans l'azur de ses espérances maternelles. Il prévoyait, sans la définir, la catastrophe qui suivrait cet orage en perspective. « Tu ne manges pas, Erwan ?» dit-elle à celui-ci en remarquant son assiette encore pleine. « Es-tu malade ?»« Non, mère, je n'ai pas faim. » Il s'accouda sur la table, la tête dans ses mains. Si près du sacrifice, le malheureux garçon sentait toutes ses faiblesses l'assaillir à nouveau. Il aurait voulu retarder le fatal moment où, de plein gré, il renoncerait à être heureux. Cependant, comme sa mère s'inquiétait et attirait contre elle sa blonde tête, il secoua la torpeur morale qui l'envahissait et la rassura. « Mais non, mère, je n'ai rien. Je vous assure que je ne suis pas souffrant. Le temps est à l'orage ce soir, et cette chaleur accablante m'étouffe. Je ne suis qu'une femmelette. » Il essayait de rire, mais dans les 12 yeux inquiets qui scrutaient les siens, il lut qu'on ne le croyait pas. « J'ai de l'électricité dans les jambes, » reprit-il, essayant de donner le change. « La soirée est belle. » « Faisons un tour. Veux-tu, Yann ?» L'autre hocha la tête. « Va seul. J'ai encore bien des trous à boucher. »« Viens donc, je t'aiderai demain matin. »« Oui, accompagne ton frère, comme jadis, » implora Catherine d'une voix suppliante. Yann murmura quelques paroles entre ses dents, et bien qu'à contre-cœur, suivit Erwan qui déjà ouvrait la porte. Comme ils arrivaient au bout du petit enclos qui cernait leur chaumière, Erwan se retourna. Le front collé aux vitres de la fenêtre sans rideau, Catherine suivait du regard les jumeaux. Son visage, qu'éclairait en plein la chandelle fumeuse placée sur la table, apparut au jeune homme dans sa touchante mélancolie, et comme du coin de son tablier elle s'essuyait les yeux, il comprit toute la peine de ce cœur maternel. Ses larmes firent plus que tout le reste. Elles le bouleversèrent et le décidèrent. « Périsse mon bonheur, mais que tout soit heureux, » murmura-t-il, « tant pis pour moi. » Et fort de sa soudaine énergie, il se tourna vers son frère et lui demanda, parfaitement calme, « Pourquoi m'as-tu fui tantôt, Yann ?» L'interpellé étouffa un juron et son front se plissa de mécontentement. « Est-ce à cause d'Anaïque ?» reprit Erwan, et comme l'autre gardait un silence farouche, il ajouta, « Il y a des moments où je crois que tu me détestes. À te voir si sombre, je ne sais quoi penser. » Si tu aimes Anaïque et que ce soit cela qui cause ton humeur chagrine, pourquoi ne t'en expliques-tu pas avec moi? Qu'est-ce que cela ferait puisqu'elle te préfère toi? Dit alors Yann dont les yeux flamboyaient dans l'obscurité. Que de mépris tu mets à prononcer ce toi, murmura tristement Erwan avec un gros soupir. Pourtant je ne le mérite pas. Je ne souhaite que ton bonheur, crois-moi. Mon bonheur! Yann eut un ricanement sinistre qui tinta aux oreilles d'Erwan comme un glas funèbre. « Oh, frère, t'en prie, ne raille pas mon amitié pour toi, elle est sincère. Écoute, Yann. » Tout frémissant, il ferma les yeux, comme pour ne pas voir en face son immolation, et la voix brève, Achille, continua. « J'ai beaucoup réfléchi depuis tantôt. Tu aimes Anaïque, épouse-la, si elle veut de toi. Elle ne sera jamais mienne. » La surprise que lui causèrent les paroles de son frère arrêta net l'élan, le cloua au sol. « Mais tu l'aimes aussi, toi » fit-il haletant. « Oui, » répondit l'autre douloureusement. « Je l'aime, mais je l'oublierai. J'essaierai, il le faut. Ce renoncement, la tranquillité de nos parents, ton bonheur, notre amour fraternel, tout l'exige. Que la volonté du ciel s'accomplisse. » En face, l'un de l'autre, Yann examinait son frère, dont la loyale figure avait la douceur et la triste résignation d'un martyr au supplice. Il lui saisit la main et la serra. « Merci, merci, tu es meilleur que moi. » Erwan tressaillit. Il crut un moment que l'autre allait refuser son sacrifice. Il attendit en vain, Yann n'ajouta rien. Si, pourtant, ces quelques mots cruaient le possible dans leur aveugle égoïsme. « C'est égal, si tu aimes Anaïk autant que je l'aime, tu ne renoncerais pas à elle aussi facilement. »« C'est possible que je ne l'aime pas de la même façon que toi, » bégaya l'infortuné, qui essayait en vain de refouler les pleurs amères, qui gonflaient ses paupières. Et comme il craignait de ne pouvoir comprimer plus longtemps sa douleur, il se hâta de retourner sur ses pas. « Rentrons, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Toute parole serait superflue à présent. » Les deux frères prirent en silence le chemin de leur chaumière. Comme ils atteignaient l'entrée de l'enclos, à la même place où Erwan s'était retourné vers la fenêtre, près de laquelle sa mère pleurait, Yann le retint par le bras. « Si je suis heureux, frère, c'est à toi que je le devrais. Tu as bien fait d'agir ainsi, car je crois que si tu avais épousé Anaïk, malgré moi, je t'aurais tué, et moi après. » Erwan frissonna, et ses yeux cherchèrent la petite fenêtre, d'où leur mère semblait les guetter encore. Alors, d'avoir détourné l'orage qui grondait sur la tête grise tant vénérée, une grande douceur descendit en lui et apaisa momentanément son mal.